tes souliers. Et tu peux pas rattraper tes idées. T'es en amour à plus finir, tes insomnies arrivent plus à dormir. L'été se meurt en ville, tu vois des plages dans. Le temps, tu respires en cachette.